La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. C'est la malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Quatrième épisode, la fin justifie les moyens. مرحبا بكم في برنامج صندوق سندباد. Bienvenue à vous dans l'émission La malle de Sinbad. Nous avions laissé notre ami fuir les appétits du cyclope et du serpent. Quel sort funeste que de finir en vulgaire pâture. Il fut l'unique rescapé d'un monstrueux festin et on le crut guéri, une bonne fois pour toutes, des voyages. L'ennui sut le tirer de la mollesse du civilisé. Il reprit la route, une bien méchante manie en vérité. Quatrième voyage en fit une dupe. Débarqué chez des cannibales roublards, il déjoua leur stratagème et leur faussa compagnie assez aisément. Puis, il gagna un royaume où sa sagacité lui valut une rapide élévation sociale. Mais alors qu'on le croyait établi, la foudre d'une coutume locale l'anéantit. La terreur d'être enseveli acheva de l'aguerrir. Au commencement, était la tempête. Elle déchira les voiles, les lacéra, le navire sombra corps et biens. Encore et toujours sauvé des eaux, Sinbad et ses camarades à la dérive abordèrent une peuplade qui les drogua, à l'exception heureuse de notre marin, en leur donnant des mets appétissants, notamment un lait de coco trafiqué, si bien qu'ils en perdirent la raison et sans doute la mémoire. Ne plus se souvenir de soi ni des autres, ne plus s'appartenir comme homme, il est difficile de ne pas reconnaître ici la malice des lotophages du champ neuf. Oui, souvenez-vous, l'Odyssée. Puis, les hôtes, des maîtres queues dans leur plus simple appareil, engraissèrent leur future victime qui se goinfrait, insouciante, sans jamais pressentir le gargantuesque trépas qui les attendait. Elle serait servie au roi ogre de la contrée qui en festoirait dignement. Circé, sort de ce conte. Sinbad n'a pas reçu l'herbe molue du champ 10, fleurs blanches et racines noires, des mains du bienveillant Hermès pour se prémunir du sortilège. Sa méfiance opéra de même. Pour ma part, ils m'inspirèrent de la répulsion et je n'y touchai point. Tout était terminé. Le charme rompu, le héros dessillé pouvait abandonner les lieux et revoir les humains. Radio Culture Dijon vous présente La Malle de Sinbad. فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح قلنا ومشينا في الجزيرة يمينا وشمالا فلاحت لنا عمارة على بعد فسرنا في تلك الجزيرة قاصدين تلك العمارة التي رأيناها من بعد ولم نزل سائرين إلى أن وقفنا على بابها فبينما نحن واقفون هناك إذ خرج علينا من ذلك الباب جماعة حراة لم يكلمونا بل قبضوا علينا وأخذونا عند ملكهم فأمرنا بالجلوس فجلسنا ثم أحضروا لنا طعاما لم نعرفه ولا في عمرنا رأينا مثله فلم تقبله نفسي ولم آكل منه شيئا دون رفقتي وكانت قلة أكلي منه لطفا من الله تعالى حتى عشت إلى الآن فلما أكل أصحابي من ذلك الطعام ذهلت عقولهم وصاروا يأكلون مثل المجانين وتغيرت أحوالهم وبعد ذلك أحضروا لهم دهن النرجيل فسقوهم منه ودهنوهم منه Vous êtes dans la malle de Sinbad sur le 100.0 FM. Lorsque ce fut la 551e nuit, elle dit : On raconte encore, sire, ô roi bienheureux, que Sinbad de la mer, jeté dans les flots après le naufrage du bateau, se cramponna à une poutre de la membrure, lui et quelques autres marchands. Ainsi agrippé, continua Sinbad, nous battions des jambes. La houle et le vent nous poussaient. Nous dérivâmes un jour et une nuit. Le surlendemain, dans la matinée, le vent forcit et la mer se déchaîna en puissantes vagues. Nous fûmes jetés sur le rivage du Nil. Nous étions sur le point de mourir, épuisés par le manque de sommeil, la fatigue, le froid, la faim, la soif et la peur. Nous marchâmes et marchâmes quelque temps sur la côte. Les plantes étaient nombreuses et nous pûmes manger un peu pour nous sustenter et conserver la vie. Nous passâmes la nuit sur le rivage. Le matin, lorsque l'aurore apparut et dissipa les ténèbres de ses premières lueurs, nous nous levâmes et nous mîmes à parcourir l'île de droite et de gauche. Nous aperçûmes une construction qui s'érigeait au loin et avançâmes jusqu'à sa porte. Nous nous arrêtâmes là. Alors, surgit une troupe d'hommes noirs qui ne portaient aucun vêtement. Sans dire un seul mot, ils se saisirent de nous et nous conduisirent auprès de leur roi. Celui-ci nous ordonna de nous asseoir, nous nous assîmes. On nous servit des mets inconnus et dont nous n'avions jamais vu de pareils. Pour ma part, ils m'inspirèrent de la répulsion et je n'y touchai point. Contrairement à ce que firent mes compagnons, et bien m'en pris, car ce fut grâce à la bonté divine ce qui me garda en vie jusqu'à aujourd'hui. En effet, à peine mes compagnons eurent-ils goûté à cette nourriture, qu'ils en perdirent la raison et que leur comportement changea du tout au tout. Ils se mirent à dévorer comme des fous. On leur apporta du lait, de noix de coco, dont on les fit boire avant de leur enduire le corps. Soudain, leurs yeux devinrent hagards, se remirent à dévorer plus belle, comme on ne les avait jamais vus faire. J'étais plongé dans la perplexité. Je m'affligeais sur leur sort. J'étais moi-même gravement préoccupé, jeté dans la terreur et craignant pour mes jours face à ces créatures nues. Je les observais attentivement et appris qu'ils étaient gouvernés par un ogre. Dès qu'ils apercevaient un étranger sur leur terre, qu'ils le rencontraient dans une vallée ou sur une route, ils s'en saisissaient et le conduisaient chez leur monarque. Là, il lui faisait manger de cette nourriture et boire du lait de noix de coco, dont il le frictionnait ensuite. Cela lui dilatait l'estomac comme une outre gonflée, et il se remettait à dévorer. Le malheureux en perdait la raison et l'esprit, se conduisant en dépit du bon sens. Ces gens ne cessaient de le faire manger et boire, de l'enduire de lait, jusqu'à ce qu'il devienne gros et gras. Alors, il l'égorgeait, le faisait rôtir et le servait à la table de leur roi, qui était le seul à s'en nourrir. Sa compagnie, en effet, ne touchait à la chair humaine que crue, ni rôtie, ni cuite. À ce spectacle, je fus envahi par un chagrin extrême à l'idée de ce qui nous attendait, moi et mes compagnons. Ceux-ci ne savaient même plus ce que l'on faisait d'eux, inconscients, ayant perdu la raison, réduits à l'état de bêtes. on les confiait dans la journée à un gardien qui les menait chaque jour sur l'île comme du bétail. Quant à moi, sous l'effet de la terreur et de la faim, j'étais faible, malade, la peau desséchée sur les os. Lorsque nos bourreaux me virent dans cet état, ils ne s'occupèrent plus de moi et m'oublièrent. Personne ne songeait à moi, ni ne s'en préoccupait. Je m'arrangeai un jour pour sortir, m'éloigner et m'enfoncer à l'intérieur de l'île. Je marchai ainsi jusqu'à l'aube. Le jour se fit et le soleil se leva sur les hauteurs et sur les vallées. J'étais épuisé et mourais de soif. Je me mis à manger de l'herbe et des plantes qui poussaient sur l'île jusqu'à ce que ma faim et ma soif furent apaisées. Je repris alors ma marche. J'aperçus tout au loin comme une silhouette humaine. J'avançai ainsi dans sa direction et arrivai à elle. Je l'examinai tout en me tenant éloigné. Tellement ce que je venais de vivre m'avait empli de crainte. Je vis alors un individu assis sur une éminence. Je le fixai et reconnus l'homme auquel on avait remis les compagnons pour les surveiller. Il était entouré d'un grand nombre de ses semblables. Lorsque je tombai sous les regards de cet être, il comprit que je n'avais pas perdu la raison et que je n'avais pas été atteint par la folie de mes compagnons. Il me fit signe de loin et me cria « Retourne sur tes pas et prends le chemin que tu trouveras sur ta droite. Il te mènera à la grande route, vers le palais du roi. » Je fis mine d'obtempérer, trouvai le chemin, mais le suivis en sens contraire, tantôt courant, tenaillé par la peur, et tantôt marchant, pour reprendre mon souffle. Je ne cessais d'avancer jusqu'à disparaître aux yeux de l'homme qui m'avait indiqué sa direction. Je ne le voyais moi-même plus. Le soleil se couchait, l'obscurité se fit. Je m'assis alors pour prendre quelque repos. J'essayais de dormir un peu, mais de toute la nuit n'y parvins pas. J'avais trop peur, trop faim, j'étais trop fatigué. Au milieu de la nuit, je me levai donc et marchais sans arrêt jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Jour au matin, j'arrivai sur le rivage opposé de l'île. Mon regard saisit tout au loin comme des silhouettes. J'avançai vers elles jusqu'à ce que le soleil se fût couché. Je ne cessai d'observer avec circonspection, me souvenant de ce qui m'était arrivé auparavant. Il s'agissait d'un groupe d'hommes, blancs ceux-là, occupés à cueillir des grains de poivre. Je m'approchai, ils m'entourèrent de tous côtés et me lancèrent. « Qui es-tu ? D'où viens-tu ? » « Bonnes gens, je suis un pauvre étranger, parvenu ici au prix d'effarantes épreuves. » Et l'aube chassant la nuit, Scheherazade dut interrompre son récit. Quatrième épisode, la fin justifie les moyens, sur Radio Culture Dijon. L'ingénieux Sinbad évoluait au milieu de ces blancs, comme un poisson dans l'eau. Il fit sa cour au monarque, et son esprit sagace lui ouvrit toutes les portes. Il remarqua assez vite que le royaume ne connaissait pas la selle à cheval, et eut au fait d'en soumettre l'idée au souverain, qu'il adopta avec joie. En remerciement, il maria Sinbad à une de ses sujettes. Une femme de chez nous, vertueuse, parée de tous les attraits, raffinée. Elle est de surcroît belle et riche. On ne refuse pas un présent royal. On ne se soustrait pas non plus aux lois qui s'y rattachent. Quand un indigène vient à décéder, son conjoint ne doit pas lui survivre. La jeune et ravissante épouse ne manqua pas de mourir. Nous allons bien entendu compter ce coup du sort fatal, afin de suivre le calvaire du héros qui l'amena jusqu'à son sépulcre. Oui, vous saurez comment il tutoya l'enfer et le monde des défunts, mais savourons auparavant un quatrième extrait des Mille et une nuits. Alf Leila wa Leila, Dum Kelthoum, l'astre d'Orient, Kaukab al-Sharq, perle qui nous accompagnera tout au long de nos pérégrinations. When all the shams, superbe apostrophe amoureuse du soleil, quand l'astre du réveil patiente une année pour revenir poindre et darder ses rayons sur les amants enivrés de leur nuit. Ba'd sana, mush abl sana, lilel trob helwa, une nuit polaire au pays des pyramides. Oum Kalthoum déclame une incantation à Nott, figure féminine du Grand Nord. Une nuit d'un an. C'est, proprement, ce que l'on appelle une révolution. Thank you. Vous écoutez Sébastien dans la malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Je me disais, mais il meurt d'une mort plus atroce que celle de son époux. J'étais bouleversé et me précipitais chez le roi. Monseigneur, comment pouvez-vous, dans votre pays, inhumer un être vivant avec un cadavre. Sache que c'est notre tradition. Si un homme meurt, son épouse doit l'accompagner. Si elle le précède, il doit la suivre. Ainsi, ne les séparons-nous pas dans la vie comme dans la mort. C'est la coutume de nos ancêtres. Roi de ce temps, en feriez-vous autant pour un étranger comme moi si sa compagne venait à disparaître ? Oui, nous l'enterrerions avec elle, agissant comme tu as pu le voir. À cette réponse, je sentis ma vésicule éclater et le fiel me monter aux lèvres, tant j'étais saisi par l'horreur et l'angoisse. J'avais comme perdu la raison, épouvanté à l'idée que ma femme pouvait mourir avant moi et que je serais inhumé vivant avec elle. Puis je me consolai comme je pus en me disant « Peut-être mourrai-je avant elle ?» Nul ne peut connaître ce qui précède de ce qui suit. Allez donc savoir lequel des deux partira le premier. J'essayai donc de me distraire en me lançant dans diverses occupations, mais il se passa très peu de temps avant que ma femme ne tombât malade. Elle rendait l'âme quelques jours après. La plupart des gens de la ville s'assemblèrent et vinrent me présenter leurs condoléances à moi et à sa famille. Le roi lui-même, comme il est d'usage dans leur pays, me manifesta sa sympathie. Une laveuse de mort fit l'ultime toilette de la défunte, la revêtit de ses plus beaux atours, la para de bijoux, de colliers, de joyaux. Une fois ainsi apprêtée pour ses funérailles, elle fut placée sur une civière et portée à la montagne. On souleva la dalle de pierre qui couvrait le puits et on y jeta la morte. Alors, tous mes amis et les parents de mon épouse me firent leurs derniers adieux. Je m'exclamai au milieu d'eux « Je suis un étranger, je ne peux me plier à votre coutume !» Mais ils ne m'écoutaient pas et n'avaient aucun souci de ce que je disais. Ils m'empoignèrent, m'attachèrent de force. M'ayant muni, selon leur habitude, de 7 galettes et d'une cruche d'eau douce, ils me descendirent au fond du puits qui donnait sur une vaste caverne creusée sous la montagne. Ils me crièrent « Détache-toi de la corde !» Comme je refusais de le faire, ils abandonnèrent la corde en la jetant sur moi, replacèrent la grande dalle qui couvrait le puits et s'en furent. Et l'aube chassant la nuit, Scheherazade dut interrompre son récit. Lorsque ce fut la 554e nuit, elle dit « On raconte encore, sire, ô roi bienheureux, que Sindbad de la mer fut descendu dans le puits avec son épouse décédée, et une fois la grande dalle de pierre remise en place, abandonnée aux côtés du corps de sa femme. Je vis autour de moi dans cette caverne, poursuivit-il à l'intention de ses amis, de nombreux cadavres qui dégageaient une odeur fétide, tout à fait insupportable. Je me faisais des reproches et me disais « Par Dieu, je mérite tout ce qui m'arrive et tout ce qui s'en suivra. Je ne pouvais distinguer désormais la nuit du jour, je ne mangeais que très peu, et seulement lorsque la faim me déchirait les entrailles. Je ne buvais que lorsque la soif me dévorait. Qu'allais-je faire quand il me resterait ni pain ni eau ? Je ne cessais de murmurer, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu le Très-Haut, le Sublime. Que m'a-t-il pris d'aller me marier dans cette ville ? Chaque fois que j'échappe à une calamité, c'est pour m'exposer à pire, par Dieu. Je vais mourir d'une mort horrible. Que ne me suis-je noyé en mer ou n'ai-je péri dans les montagnes ? Cela eût mieux valu, pour moi, que de finir ainsi misérablement. » De Sindbad sur Radio Culture Dijon. Il ne nous appartient pas de déflorer l'intrigue qui suit. Nous en laissons le soin et le plaisir jusqu'à la prochaine émission. Quand les heures grasses nous font la nique, que la curiosité vous pique, lors vous saurez ce qu'il advint de Sindbad, l'audacieux marin. Ma salama. La malle de Sindbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographies et podcasts sur le site internet de Radio Culture.